Force ennemie, première partie, chapitre 6. Nous entrons dans une autre cour. Léonard me donne des explications quelconques, mais je n'écoute plus. Je suis hantée par une vision bizarre qu'une expression du père Mabir a fait surgir en moi. La force ennemie. L'apparition est indistincte, bien qu'effrayante. Je n'entrevois guère qu'un rictus féroce et d'immenses griffes blêmes. Pourtant, je demeure terrifiée par l'idée atroce qui a visité le cerveau du vieux Tabellion changé en ours. La force ennemie. N'y aurait-il pas, en effet, une puissance occulte, maléfique, hostile à l'espèce humaine, guettant infatigablement une occasion de tourmenter nos intellects bornés, perdus dans un monde mystérieux dont ils ne connaissent que quelques apparences? Et me voici épris de cette absurdité, parce que j'en ai peur. Oui, la force ennemie existe. Elle s'empare souvent de moi, me pénètre, m'envahit, puisque je vois tout à coup des choses troubles, effroyables, dont les éléments n'étaient pas en moi et qu'aucun mot du langage humain ne peut traduire. Oh, l'univers vrai, n'est-il que terreur et horreur? Allons, ce n'était qu'une hallucination. Léonard me parle et j'entends. Je comprends ce qu'il me dit. Mais peut-être l'horrible traîtresse ne m'a-t-elle quitté qu'un instant, pour revenir bientôt? Non, mais regardez-moi cette cour, bougonne mon gardien. Avez-vous vu quelque chose de plus sale et de plus piant? Ah ça, seriez-vous malade de nouveau? Non, non, ce n'est rien, Léonard, c'est déjà passé. À la bonne heure, vous aviez l'air tout drôle. Mais regardez-moi ce fumier! L'ex-fiancé de la jeune personne de Clichy-le-Valois exagère un peu. Cette très petite cour est tout simplement jonchée de feuilles qu'une demi-douzaine de malades très agiles, grimpés dans les arbres déjà passablement dépouillés par leurs soins, arrachent et font pleuvoir avec assiduité. Quelques gardiens les admonestent pour la forme. Ils semblent plutôt amusés. Et, entre deux sommations, se communiquent leurs remarques, un rien sportives, au sujet de la performance. Tiens, guette donc, François, v'là Anquetil qui gagne encore d'une branche. Il n'y en a pas un autre qui sera aussi léger. Il est en forme, le sale bougre. Je dis pas, mais Dumoreau se tient plus solide. Il est de fond. Et Pajot, donc, il est sargé, handicarpé, comme on dit. Il en a un de pétard. Allons bon, v'là Paillard qui va se casser la gaule. Il y en a assez cette fois, en bas le monde. Je vais appeler un de ces messieurs médecins, ou le gordien chèvre. Descendez, tas d'enfants de guenon. Tu sais, me fais pas monter, Chanteburne, ou ça serait un malheur pour t'es. C'est égal, remuche-moi, Beuzebock. C'est un rigolo, celui-là. C'est-y pas qui tient la corde à présent? Battu, Anquetil. C'est comme le coup du Besserise, à l'autre jour, à Dieppe, sur la prodrome. L'hippodrome. Voulez-vous-t-il vous déglisser de là-haut, nom d'un foudre? V'là le docteur Bidôme! Ah, du coup, tous les grimpeurs dégringolent à qui mieux de leurs branches. C'est le gardien François qui a eu la géniale, ou la malencontreuse idée, de parler du croque-mitaine local. Comme le féroce petit personnage n'est en vue d'aucun côté, les malades se regardent et pourrait y avoir du vilain, ainsi que le dit Léonard, qui s'apprête déjà à s'aérailler. Beuzebock s'approche de François en roulant de gros et stupides yeux de grenouille, lance une lourde ruade qui n'atteint personne, s'administre une forte claque sur une cuisse, retourne sa main, qu'il pose brusquement sur son bas-ventre, le petit doigt en l'air, puis relève redressé, le poing fermé, le pouce visant le zénith et décrivant un rapide mouvement circulaire d'une élégance achevée. Alors il prononce d'un air dignement abruti « Tiens, v'la portée, t'es qu'un menteur, et je vas cogner !» Mais à point nommé, jaillit d'une porte ou du sol, je n'ai jamais su comment, jaillit comme d'une botte à surprise, le bidôme, cette fois désiré, tout petit, tout grotesque, mais effrayant comme un énorme insecte. « Qu'est-ce que c'est, sacrebleu ? Je vais vous faire danser, moi !» Les cueilleurs de feuilles prennent leurs jambes à leur cou. On n'en voit plus. Mais, à notre grande surprise, Bidôme se précipite sur les gardiens et les menace de sa cravache. « Ah, tas de chifouillards, de bragouillons, de patouillots !» Toujours ces épithètes mystérieuses. « Je crois, ma parole, que vous vous permettez de faire suer mes meilleurs hommes, l'élite de mes maboules, des sujets de premier ordre, incurables pour tout autre que moi. Je vais vous assaisonner à la sauce Robert, tas de ribougnafres, de balouchards, de fignants en bouc. » J'ai dit que nous étions surpris. Il me paraît toutefois que les gardiens s'émeuvent moins que moi de la conduite extraordinaire du gracieux nabot. François se remet très vite et adresse à Bidôme ses représentations, peut-être respectueuses. « Mais, monsieur le docteur, ces mauvaises pratiques sont là, qui font de la salade avec les arbres. Nous serons des fignes à boucles si ça peut vous être agréable. Vous êtes notre chef et nous accepterons toujours avec considération empressée les raisons qui nous atteindront par votre bouche. » Mais vous aurez celui de reconnaître avec nous que c'est trop cochon de voir de sales pâtissiers comme ceux-là transformer la cour en sio aux ordures. De vous à moi, voilà le point de vue légal de discipline en matière de propreté. Et puis, il y a la santé des arbres, que nous en sommes chargés comme de la selle de ces macaques. Bidôme semble calmé. Bien parlé, Radamante. Je n'avais pas vu le dégât commis. Vous ne leur ficherez que de l'abondance pendant 2 jours. Pas ça de vin pur ou de cidre, vous m'entendez? Et vous leur botterez le derrière s'ils recommencent. Ah, passer sa belle jeunesse dans la boîte à foin, avec ses cafouillastres, ça me tape sur les nerfs. » Ça lui tape toujours sur les nerfs. Il nous regarde encore un moment. Ses yeux pétillants de gaieté méchante clignotent, clignote vite, vite, comme ceux des singes. Il gonfle l'une de ses joues, qu'il renfonce d'un léger coup de pommeau de sa cravache, gonfle l'autre joue, répète ce petit exercice 3 ou 4 fois, puis fait entendre un sonore clappement de langue. On dirait qu'il débouche une bonbonne vide. À ce moment, il nous aperçoit, Léonard et moi. Sa rage mal éteinte reflambe de plus belle. « Qu'est-ce que vous foutez là, 1000 pétards de 50 000 barriques de guano ? Cochon, barbouillé, je vous ai dit de fatiguer, d'éreinter ce poicre de Veuilly, et je le retrouve ici, à faire son lézard, à se rincer l'œil du spectacle, comme au grand théâtre de Baume-les-Dames. Faites-le-moi transpirer, ce salaud-là, et que ça ne traîne pas. » Aurais-je contracté la maladie du prophète Jean Jouillon? Léonard me retient le pied juste à temps. J'avais cassé une assiette ce matin. J'allais maintenant en bleuir une autre dont la mise en couleur pouvait me coûter plus cher que l'achat de tout un lot de vieux Rouens. Mon gardien m'emmène le plus vite possible, noyant ma colère sous un flot de paroles. Il m'ahurit, me déroute, me change les idées. Quand il me voit moins hésité, il m'affirme que Bidôme n'a rien vu, mais que sans lui, Léonard, je risquais une de ces histoires, que l'inquisition et le mal d'oreille étaient pas grand-chose à côté. Puis il secoue la tête et prend une expression d'invraisemblable perspicacité, d'expérience désabusée, de résignation philosophique. « Ce bidôme de malheur, grommelle-t-il, je l'ai toujours vu braque. Mais après ce qui vient de se passer, je mettrai bien deux doigts sur le grill que ce pauvre monsieur Magne avait raison tout à l'heure. Bidôme a quelque chose de pas naturel. Est-ce qu'il saoulerait à présent ce cochon d'Inde enragé? Ou bien... » Pour chasser un instant le souvenir du distingué aliéniste, j'interroge mon gardien sur la cour que nous venons de visiter. « Oh, celle-là !» me répond Léonard. « C'est bien la dernière !» Après cela, il n'y a plus que la cellule pour les tout à fait butés, ou mélancoliques à mélomanie de Suixide. Les alités de l'infirmerie et le quartier des agités dans le troisième bâtiment. Ceux de cette cour où nous sortons, ils ont des crises à tous les moments. Il y en a de la maladie noire par ici, et en grand. Ils étaient à la rigolade tout à l'heure, mais faudra pas les voir ce soir. Les cellules, ça c'est pas de spectacle. Vous comprenez, les gardiens ont consigne de laisser approcher que les médecins. Ça dérangerait leur guette, est-ce pas donc? Des gens qui viendraient flâner par là, histoire de curiosité. Faut pas de distraction. Chacun d'eux est assis dans un petit couloir, juste assez large pour fourrer une chaise, entre deux guichets grillés, par où qu'ils surveillent deux cellules. C'est un sacré métier. Je l'ai fait 6 mois, et j'en ai encore des grégissements dans l'estomac toute la journée, les fois que j'en ai rêvé la nuit. Les agités, on m'a commandé de vous y mener, mais j'aime mieux vous en montrer que deux, qui sont plutôt rigolos, parce que les autres... Ce serait pas charitable de ma part de vous les faire voir. Y a de quoi foller, du coup, pour un homme SJT. J'aurais toujours obéi à l'ordre et je vous aurais pas causé de mal. Nous passerons par les terrains en y allant. Dans un nouveau corridor, nous rencontrons deux inoffensifs qui circulent partout. Depuis la loge du concierge, près de la grille d'entrée, au bout des jardins, jusqu'au salon parloir. « Inoffensif, » répète Léonard. « Oui, celui-là qui vient le premier, celui qui est malade. Il folle tout le temps, mais il n'a jamais de sale crise. L'autre qui est sain ne l'est pas, lui, inoffensif. Je vais vous conter ça tout de suite, après qu'ils seront passés. » Mais le malade s'arrête. Il interpelle mon gardien. « Léonard, mon vieux, c'est dégoûtant. L'administration de cette boîte est au-dessous de tout. » Une incurie et un laisser-aller, je dirais même une muflerie. On sait que je suis craintif, nerveux, et voilà une semaine qu'on laisse sans réparation le coupe-courant électrique de ma chambre. Si bien que moi, qui ai peur d'un enfant de 6 mois, je couche toutes les nuits en compagnie du tonnerre, qui fait chez moi une vie de patachon. C'est bien, Charlemagne, on fera venir le cellurier. Pas de blague, n'est-ce pas, Léonard? Et puis, je voulais vous dire, il y a un grand oiseau de nuit qui fait tous les soirs des ordures dans ma cheminée. Hier, je lui ai lâché le tonnerre dessus, mais il s'en est fichu comme d'une souricière à poux. Il lui a flanqué un coup de bec, et l'autre, pas plus brave qu'il ne faut, est revenu m'embêter. Il a déclinqué une chaise et détraqué mon baromètre. Vous m'en verrez donc avec le serrurier, l'ébéniste et l'ingénieur opticien, j'ai dit. « Je suis caporal, vous savez, et si vous ne marchez pas droit, je vous colle 8 jours avec un motif arabe. Le colonel Froin doublera la peine, vous pouvez y compter. » Ce Charlemagne a l'air très doux et très enfant. Sa grosse figure, encore imberbe, est toute ronde. Ronds sont ses larges yeux limpides et naïfs, ronde est sa bouche de poupard, surmontée d'un petit nez charnu. Il ressemble à un bébé bien portant. Même quand ses paroles menacent, bien innocemment, sa physionomie demeure aimable, candide, étonnée. Il serre la main de Léonard et reprend son interminable promenade dans l'établissement du colonel Froin. Des larges poches de son veston, il tire une raquette et une balle élastique et chemine piano tout en jouant comme un gamin. La petite sphère de caoutchouc frappe tantôt une muraille, tantôt l'autre, et revient rebondir sur la batte brandie. Tout à coup, il jette ses joujoux par la fenêtre. « Oh, il retrouvera bien sa paume quand l'idée lui en viendra !» m'affirme indulgemment Léonard. « Il a de l'ordre à sa manière. Il sait toujours où qu'il envoie son fourbi. » Charlemagne fouille de nouveau dans ses vêtements, d'où il extrait des toupies, une bille de billard et un pinceau à barbe qu'il lance dans le jardin par une autre croisée ouverte, et retourne à ses poches, vrai magasin, qui recèlent encore une petite trompette et une gigantesque paire de lunettes noires. Il chausse les besicles, embouche le buccin, qui est, par bonheur, presque à faune, et disparaît dans un autre couloir. Le second ambulant, le saint, comme dit Léonard, avait attendu patiemment la fin du discours de Charlemagne. Il s'approche maintenant pour nous parler à son tour. C'est un adipeux garçon, jeune aussi, 22 ou 23 ans ou plus, à physionomie fausse, basse et méchante. Il semble, je vais patauger dans la contradiction, il semble à la fois honteux et cynique. Ses yeux nous scrutent avec une impudance inquiète. Il parle, sa voix est sourde, son accent pâteux. « Léonard, vous savez que je hais la dénonciation, mais je vois trop de cochonneries depuis ce matin. Je connais le voleur des litres de vin du réfectoire. C'est Topsan. Il en cache deux dans sa veste, chaque fois qu'il sort de table et va les boire au cabinet. Je l'ai pincé aujourd'hui même. Soco, de la seconde cour, a cassé un géranium pour le plaisir d'abîmer. Et puis après, on dira encore que ce sont les gardiens qui détruisent les plantes pour offrir des bouquets aux infirmières, sans bourse déliée. Il a une intention en faisant cette dernière remarque. Son regard devient dur et encore plus sournois, si c'est possible, à la seconde où ses vilains yeux vrillent les prunelles pâles de Léonard qui paraît gêné. Goulin, auquel il est défendu de fumer parce que ça lui donne des crises, trouve toujours le moyen de se procurer des cigares qu'il allume au feu de la cuisine. Jolo a encore été rencontré sous, pas du fait des alcools de la maison, bien sûr, mais sous comme une dame patronesse, dans le parloir, au moment où les demoiselles Mortebranche sont venues vers les 10 heures pour voir leur frère. Le Gour et Bucaille se sont battus derrière le gymnase. C'est Tanfry et Thiolan qui me l'ont conté. Je suis tombée juste sur Cibourier, comme il faisait la causette avec la grosse infirmière. Vous savez bien, Célestine Bouffard. Et une causette, je ne vous dis que ça. Ils étaient sous la tonnelle B, la touffue, comme on l'appelle. Et vous n'ignorez pas que Cibourier n'a pas l'autorisation de sortir de sa cour. Ce que c'est mal tenu ici. Il aura filé par la porte que le gardien Crochon a oublié de refermer quand il est revenu de prendre un ou plusieurs verres chez Lénian sur la grande route. Il se vante assez, Crochon, d'aller licher chez le débitant chaque fois qu'il s'embête. Colboc le boiteux, qui l'a, lui, la permission de jardin, a fait de sales indécences devant 2 malades femmes, également permissionnaires. Ah, vous savez, Léonard, inscrivez à mesure. N'en subtilisez pas un seul, des délinquants, parce que je me plaindrai. Vous devez noter toutes les infractions signalées. Quand je rapporte, par hasard, sur ces vilains bougres, je ne veux pas qu'on en rate un, les sales gens. Par hasard, ricane mon gardien, dès que le jeune poussin aux vilains yeux s'est un peu éloigné, tout en grognant comme Mabir, en steppant comme Marical, puis en caracolant comme Jean Jouillon. Par hasard, il restera des heures sans parler et ne retrouvera sa langue que pour débagouler sur le compte des autres. Savez-vous pourquoi? Parce que Bidôme refile des bons de tabac, de vin de Moëlaga ou de pharmacie sur le guichet de l'économe aux gens foutres qui mouchardent. Il faudra que j'y donne la liste à Bidôme, y a pas. et je verrai demain Ozou, ce dégoûtant suifeux qui vient de nous casser les oreilles, se parfumer le conduit de la fumée de bonne pipe du caporal de l'administration, ou se caresser le gaviot avec du vin des îles, ou de l'antiscorbutique. Il a une figure abominable, et qui ne trompe pas son monde, il n'y en a pas de plus débectant. Et mon gardien me raconte très brièvement l'histoire d'Ozou. D'après Léonard, cet interné qui déteste ses compagnons de misère ferait bien meilleure figure au bagne que dans un hospice d'aliénés. Il n'est pas plus malade qu'un sous-secrétaire d'État ou un pur capucin, que toute la cléricaille des aristos, quoi. C'est l'enfant bien éducationné de paysans très aisés. Mécontent de voir ainsi un cousin épouser une fille riche qu'il guignait, il a mis le feu à la maison des nouveaux mariés dans l'espoir de les faire rôtir. Il n'a heureusement grillé que le mobilier. Alors la famille, bien pensante, opportuniste comme feu 363 lui-même, a si adroitement manœuvré que le tribunal a déclaré le gros incendiaire irresponsable de ses actes et prescrit son internement dans une maison de santé, où le trop bon docteur Froin s'est empressé de le classer dans les inoffensifs. « Ça, c'est un comble !» s'exclame Léonard. Toujours est-il que cet Ozou ne sait plus où il en est. Très gentil avec le docteur Froin, dans l'espoir que le brave homme finira par lui signer son exéat en certifiant qu'il s'est guéri dans l'établissement, il imite tous les fous, les uns après les autres, devant les gardiens, afin de passer aux yeux de ces derniers, non pour un criminel, mais pour un pauvre petit monsieur qu'a bien de la misère avec sa pauvre tête. Oui, il les imite tous, les uns après les autres, les malades, répète Léonard, qui, après un moment de réflexion, laisse tomber dédaigneusement. Il s'est même pas trouvé quelque chose d'original, ce couillon-là. Il est plat comme un chapeau mou. Eh bien, et l'autre, Léonard, le petit Charlemagne, vous m'aviez promis de me parler de lui. Ah, le malheureux gars, en voilà un qui appartenait à une triste famille, tous des gens bien plaisants, mais retourné comme de vieilles culottes. Voulez-vous croire que son père, qui était épicier à Cany et qui avait des sous que c'en était infect, est mort ici, il y aura bientôt 5 ans? Le samedi qu'il entrait, lui, le gosse, c'est à la suite du service militaire que ça l'a pris. On l'a trop embêté à la caserne. Ce samedi-là, ça fait 2 ans. Sa sœur commençait à foler. Je la conduisais à notre établissement par le rebours du courrier, comme on dit, le lundi en 15, à l'heure du dîner. Il y avait du gros yeux à la vinaigrette et de l'haricot de mouton, je me le rappelle bien, peut-être. Il a un frère qui a été encaqué chez nous, voilà 18 mois. L'est en cellule, les fortunés. Sa mère, qui était cousine germaine du père, paraît qu'on va la voir aussi un de ces jours. Il y a des plaintes de voisins. C'est peut-être seulement moi qui irai la boucler, la pauvre bougresse. Je suis plus soignant, plus arrangeant qu'un autre. On m'envoie de préférence dans ces cas-là. Comme ça, Charlemagne aura toute sa famille dans la maison, et tout amené par moi. Est-ce qu'il voit sa sœur et son frère? Son frère? Bien sûr que non. Les cellulards leur faut pas de bousin. Et comme vous avez pu vous en apercevoir, Charlemagne, c'est un rigolo. Sa sœur, des fois, c'est assez douloureux à regarder. Des jours, ils se reconnaissent, d'autres non. Ils s'appellent alors Monsieur Digard ou Madame Retout, Mamselle Thiel ou Père Allôme. Ou bien, ils veulent pas se causer. Ils sont pas pays qui vous expliquent. Ça fait grémir. Elle est gentille, la sœur. On dirait une dame de Dieppe ou même de Rouen. Un peu trop maigre, mais bien élégante. Toujours propre comme une boule de bleu. Et de l'inducation. Assez des poésies, des rébus, de la musique d'orgue, de tout. Je vous la ferai voir. On la laisse à peu près libre, elle aussi. Pas plus de méchanceté qu'un vôtre 6 jours. l'histoire des Charlemagne m'a plutôt fait froid dans le dos. Le sort de cette famille d'épiciers est tragique, shakespearien. Je me sens déjà sûre, trop sûre de voir bientôt la mère du pauvre garçon à figure de gros bébé. Sa destinée la pousse vers l'établissement Froin. Hélas, j'en jurerai. Mais Léonard me change encore une fois les idées. Nous nous trouvons dans le grand jardin reconnu ce matin de ma fenêtre, et mon gardien, qui me voit préoccupé, s'écrie tout à coup. « Eh, monsieur Veuilly, regardez donc en l'air. Vous la reconnaissez plus, votre croisée ?»« Ah, c'est celle-là. Elle est encadrée d'une jolie liane de glycine que je n'avais pas vue de l'intérieur. Glycine bleue, idée bleue. Et voici l'autre bâtiment, miroitant de stuc albe, du reste absolument pareil au nôtre. Quand qu'on a parlé du loup, susurre finement Léonard. Au-dessus de l'appui d'une fenêtre, entre deux barreaux, voici une figure ravissante, gaie et rêveuse tout à la fois. Ben, la v'là, la sœur de Charlemagne, Mame le Tellier, Barnumise mon gardien. Elle est plaisante, si elle est un peu osseuse. Osseuse, sauvage va. Mame le Tellier est souple et délicate, comme telle forme de rêve fixée par un peintre pré-raphaélite. Elle a un teint rose pâle, uni, floral. Ses yeux sont noirs, des yeux comme on n'en voit pas, même chez les plus belles mulâtresses des Antilles. Des yeux noirs qui éteignent, qui tuent tout ce qui les entoure. Des yeux de nuit qui sont ardemment, paradoxalement lumineux. Ses yeux, je me sens devenir phalène. Et cette sœur de l'incolore Charlemagne possède une chevelure de femme arabe ou hindoue, non plus noire, mais bleue, une de ces chevelures comme les aimait le dieu Baudelaire qui les a si magnifiquement célébrées. Sa bouche exquise est du rouge des fleurs d'hibiscus. De cette fille d'épicier se dégage un charme affolant de princesse des mille et une nuits. Nous passons tout près de sa fenêtre, et je ralentis le pas, ne pouvant me rassasier de la contempler, quand elle interpelle mon gardien, décidément populaire chez le docteur Froin. Sa voix chaude est imperceptiblement chantante et me prend, me berce, comme une voluptueuse musique. « Léonard, Célestine m'a enfermée par erreur, et j'ai oublié mon petit miroir sur un banc du jardin, contre la serre. Voulez-vous aller me la chercher? J'en ai besoin pour une conjuration magique. Non, inutile que monsieur aille avec vous. Vous n'allez pas le faire courir, n'est-ce pas? Je ne me permettrai pas de l'envoyer s'essouffler à mon service. Ce n'est pas un vieil ami comme vous. » Léonard est flatté, mais inquiet. Il me regarde du coin de l'œil. J'affecte la plus parfaite indifférence. Il dit, alors, à moitié rassuré, « Je veux bien, moi, mais c'est dangereux. Enfin, faut bien dire qu'il fait une sacrée chaleur, et que, d'un autre côté, j'en ai pas pour 10 minutes. Je ne veux pas tuer monsieur Veuilly, et je vais galoper. Bidôme, c'est pas son heure de rôder par ici. Mais éloignez-vous un peu de la fenêtre, monsieur Veuilly. Des fois, il y a des infirmières qui sont méchantes. » Je fais quelques pas vers une plate-bande, bien décidée à me rapprocher de la belle malade, aussitôt que mon mentor ne pourra plus me voir. Bon, il a doublé le cap du bâtiment. Je n'aperçois plus que l'un de ses talons, vaste et bien ferré. Je veux regarder encore ma princesse orientale. Quel malheur qu'elle soit atteinte. Eh bien, et moi, je suis à peu près raisonnable aujourd'hui. Mais dans quel état serai-je demain, ou dans 8 jours? J'ai été jolie, paraît-il, ces temps-ci. Combien je me réjouis de me trouver dans un établissement aussi mal tenu que celui du trop bon docteur Froin. Ailleurs, je n'aurais jamais pu rencontrer la consolation que m'offrira, de temps à autre, la vue d'une femme aussi belle. Je reviens sur mes pas, mais déjà la ravissante malade à la chevelure hindoue, aux splendides yeux de nuit tropicale, m'a parlé. « Ne restez donc pas là, monsieur Veuly, puisque l'on tient à vous nommer monsieur Veuly. C'est une convention, n'est-ce pas? Venez donc plus près. Vous êtes ici sous un déguisement, n'est-il pas vrai, pour délivrer une captive? Moi, peut-être? Je vous connais. C'est pour cela que j'ai envoyé Léonard me chercher mon miroir, dont je n'ai nul besoin. N'avez-vous pas ordinairement une cuirasse d'or un peu bleuie, un cheval de flamme qui vole, des éperons pareils à deux éclairs et une épée qui est un rayon de soleil? Vous vous plaisez dans les Nibelungen quand vous ne préférez pas hanter la Jérusalem délivrée ou le Roland furieux. Je sais également que vous avez pensé aux femmes de Baudelaire quand vous m'avez aperçu, et aussi à la fée Paris-Banou, à Scheherazade et à Nourmahal, qui a son tadj dans la ville d'Agra, où sont les pans de pierreries vivantes, plus beaux que ceux de Delhi, qui n'étaient qu'un précieux travail d'orfèvre, dans la ville d'Agra, où les roses chantent en exhalant leurs haleines matinales et crépusculaires. Oh, crépusculaire me ramène à Baudelaire. Quelles extasions crépusculent dans ces strophes. Même le sinistre, vous savez, celui où il y a des crapauds, mais surtout ceux qui restent dans le mystère. Entends, ami, entends la douce nuit qui marche. Mais non, il était solaire, il était Dieu. Vous êtes surpris qu'une insignifiante princesse du Travancore, tout au sud de l'Inde, près de Ceylan, une si secondaire princesse de Firouzabad, en Perse, cette ville des jasmins, ornée de dômes bleus, ovoïdes, comme allongés vers le ciel, qu'une minable princesse des terres brûlantes et miroitantes d'épaisses verdures lustrées, où s'élèvent les vieilles capitales abandonnées des premiers sultans de Java, qu'une princesse qui a vécu à Cani, dans une épicerie, avant d'épouser un effroyable magicien africain changé en châtelain bourgeois pour ses forfaits, qu'une pareille princesse puisse avoir autant de lectures. Mais ne savez-vous pas que mon père était un enchanteur, un bon enchanteur, lui, qui transformait de viles matières à peine comestibles en or et qui ne me refusait rien? J'avais à Cani, où naquit le charmeur Louis Bouillet et où vint le grand Flaubert, une bibliothèque enviée des filles du comte du Sauvemare et de celle du marquis de la Haye-Bolleville. Et mon père me permettait de devenir tantôt une fée, tantôt une impératrice de Bornéo. J'ai été aussi toutes les héroïnes de Shakespeare, et même cette amie de Gustave Flaubert, cette Madame Bovary, que vous avez si passionnément aimée, que vous pleurez encore. Certaines pauvres femmes insensées peuvent-elles donc lire si bien dans le cœur d'hommes atteints, eux aussi? Je n'ai rien d'héroïque. J'avouerai même que l'idée seule d'accomplir une prouesse quelconque fût-elle absurde, ce qui serait une circonstance atténuante, me fait trépigner de furieux agacements. L'imagination de la princesse Letellier a donc ses écarts blâmables. Mais où elle s'est montrée surprenante, cette aimable princesse de toutes les zones de l'Orient, c'est quand elle a deviné qu'au moment où je l'avais regardée pour la première fois, toute l'Inde de Baudelaire et les exotiques amoureuses de suprêmes poètes avaient parfumé ma mémoire. Et elle m'est déjà bien chère, la pauvre petite folle si adorablement jolie. Si j'avouais ce que je ressens, on me parlerait de coup de foudre. Il n'y a rien eu de pareil. Je n'éprouve aucune stupeur. Cela n'a été ni brusque ni violent. Ces quelques minutes ont été délectablement longues. J'ai été enlacée peu à peu, comme par une caresse douce, douce. Je suis enthousiasmée de l'incroyable beauté, lumineusement rose, captante, de celle que j'aime à présent, car je ne songe pas à me dissimuler que je l'aime, mais cet enthousiasme ne m'a pas embrasée. J'en délire presque, mais ce n'est pas un feu dévorant, selon le cliché consacré. C'est en mon cœur comme une rosée florale, paradisiaquement embaumée. Et la délicieuse princesse, approchez-vous donc, je tiens à bien voir la figure d'un vrai paladin. Bon, je m'attendais à ceci, vous n'êtes pas beau du tout, du tout. Mais les gens de votre valeur n'ont que faire d'agrément physique. Une flamme brille dans vos yeux, une flamme que je préfère aux grâces de 1000 bellâtres. Mes pauvres yeux, est-ce l'amour seul qui les allume? La folie n'est-elle pas pour quelque chose dans leur éclat enflammé? J'ai plus que jamais peur de la force ennemie. Si j'allais oublier que je l'aime, l'exquise. Oh, si un nouvel accès de mon mal me replongeait dans l'abîme dont je sors à peine, dans l'âpre torrent nocturne où se noierait mon seul bonheur qui est de l'aimer. Elle reprend avec un peu d'impatience. Mais que vous êtes donc froid pour un héros! Vous ne m'avez pas répondu une syllabe. Mais dites-moi vite que vous m'aimez, je veux que vous m'aimiez. Moi, je ne puis m'engager ainsi dès la première minute, une femme. Mais n'est-ce pas déjà une immense faveur que je vous fais en vous pressant de vous déclarer? N'est-ce pas de bon augure? Allons vite, dites-moi que vous m'aimez. Oh oui, je vous aime. Ah, oh, vous avez bien dit cela. Aussi, je change d'avis. Je veux que ce soient les seules paroles que j'ai entendues de vous à notre première entrevue. Mais elle s'interrompt tout à coup, tout effrayée et plus jolie encore dans son émotion. « Vite, sauvez-vous, j'entends les pas de Léonard. Revenez bientôt, un soir de préférence, on me surveille très mal dans ce donjon. » Mon gardien me retrouve plus loin de la fenêtre qu'il ne m'avait laissée. Le dos tourné à l'autre bâtiment, je roule une cigarette avec des soins infinis. Quand il a remis le petit miroir de poche, il prend un air narquois, mon gardien, et me regarde avec une sorte de pitié amicale mais dédaigneuse. « Ben quoi, monsieur Veuly, vous avez le taf des belles personnes? À votre place, moi, habillé comme vous l'êtes, chouettement ficelé dans un complet de plus de 40 balles, j'aurais profité de ce que cet imbécile de Léonard faisait le cerf au soleil, les pattes plus haut que l'occiput, pour tourner une sorte de compliment à la petite dame. Oh, les suites, dame, ça aurait été moins facile. Bien qu'ici où qu'il n'y a de sales bougres et bougresses de bidôme et 2-3 infirmières. Ah ça, monsieur Léonard, voulez-vous insinuer que l'établissement du docteur Froin peut rivaliser avec un mauvais lieu et que, ici ma voix s'étrangle, madame Letellier a eu des aventures à votre connaissance? Par exemple, très bon sens, comme vous y allez. Vous êtes trop dur, vrai, et vous n'êtes pas bien reconnaissant. J'attends que vous me traitiez de Dover aussi, pendant que vous y êtes. Vous allez peut-être m'offrir de l'argent, mais dans ce cas-là, je vous garantis que je ficherai la galette dans le trou des lieux. Ah, malheur! Je vois qu'il est sincère. Je l'ai vraiment blessé sans le vouloir. Il est très fâché, mais se radoucit, indulgemment. Prenez donc les gens en estime. Eh bien, je vais tout vous avouer pour votre honte. Savez-vous pourquoi j'ai consenti à faire la commission? Parce que Mme Letellier, elle a jamais regardé personne avec intérêt, qu'elle était douce, mais craintive comme un petit pigeon sauvage, sauf votre respect. À vous, elle vous a fait des yeux, mais des yeux que je me suis dit que c'était charité de la laisser se distraire un brin, sans vilaine conséquence, bien entendu. Qu'est-ce que vous voulez? Tous les goûts sont dans la nature. Elle n'est pas responsable, cette femme. Si elle aurait toute sa raison, peut-être bien qu'elle en choisirait d'autres. » Et c'est toute la vengeance de Léonard qui frise sa grande chiffe de moustache avec une fatuité voulue. Il est si facile de voir qu'il cabotine, et pas méchamment, que je n'ai pas le courage de lui en vouloir, malgré l'affreuse insolence du propos. Mais quand veut-elle que je la revoie, ma princesse? Me laissera-t-on jamais aussi libre qu'elle dans l'établissement? J'admets que Léonard ferme les yeux de temps à autre, mais ira-t-il jusqu'à oublier quelquefois, plus ou moins involontairement, de barricader ma porte, le soir de préférence? Sera-t-il prudent de lui en toucher deux mots, en imaginant quelque mirifique prétexte qui le trompera ou ne le trompera pas? Simple question de forme. Ces doutes m'inquiètent, mais sans trop m'abattre. Je conserve une certaine dose d'espérance.